Le dirigeant suprême Kim Jong-un, qui livre énergiquement ses activités pour aménager l'arrondissement de Samdian de la province du Yangon en arrondissement exemplaire et de modèle des villes montagneuses, y a envoyé comme présent des dizaines de tracteurs nécessaires à la production agricole de l'arrondissement et beaucoup d'installations d'enseignement.